On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you know. Wow! On the rock. All right. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous et à toutes et à tous et à toutes. C'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Et je vous retrouve ce soir pour une émission spéciale dans The Rocks et en rediffusion sur ZEF, enfin partout, on therocks.net. Et je ne suis pas seul, car ça va être une battle ce soir avec, vous en avez l'habitude désormais, peut-être le guitariste du meilleur groupe que nous ayons à Orléans. Où ça? À Orléans. Ouais. Où ça? À Orléans. Bonsoir Monsieur Sylvain Trémoux. Bonsoir Manu. Orléans, Beaugency. Oui, Notre-Dame du Cléry. D'où Cléry. Alors voilà, c'est Sylvain Trémoux qui est là ce soir. On est ravis, c'est une battle. Et alors, on est un peu triste quand même par la mort de David Crosby, qu'on vient d'entendre à l'instant, une star américaine qui chante Beaugency. Ouais. Mais on peut lui reprocher plein de trucs à David Crosby. Déjà, de ne pas avoir la tête de sa voix. Et ça, je pense que ça peut être un thème d'une prochaine émission. J'ai pas la gueule de ma voix. J'ai pas la gueule de ma voix. Ouais, ouais. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Mais par contre, il a un sens du timing impeccable parce que le thème de la battle ce soir, c'est moi sobre jamais ou sobre moi jamais. Sobre moi jamais. Ouais. Sobre moi jamais. Ouais. Et il est mort juste avant l'émission, donc c'est David Crosby. Merci David. Parce que lui sobre lui rarement. Pas toujours. Pas toujours. Ouais. Pas toujours. On va commencer. Alors en lui rendant hommage quand même. Là, c'était un petit morceau tiré de son premier album solo, je crois. Incroyable ce morceau. Orléans, Beaugency. Oui, oui, qui fait la fierté des locaux. Mais oui, bien sûr, ouais. On les comprend. Ouais, c'est pas ce que je préfère de David Crosby, moi mais non plus. C'est oui, petite curiosité. Mais voix magnifique, voilà. Donc c'était Crosby. Alors soit David Crosby tout seul, soit Crosby, Stills, Nash et Young, soit Crosby, Stills, Nash, soit Crosby, Nash. Ouais, Buffalo Springfield aussi. Buffalo Springfield, les Birds. Donc une carrière incroyable, superstar aux États-Unis, hein, à l'époque de Crosby, Stills, Nash et Young, c'était à peu près l'équivalent des Beatles, pas avec le même physique, hein, mais un peu l'équivalent des Beatles. Et donc une longue traversée un peu compliquée avec des substances, mais il a eu plein de malheurs dans sa vie et une voix magnifique. On va se passer quand même un extrait de l'album Déjà Vu. Ouais, c'est, je préfère parce que déjà. L'album Déjà Vu, il est quand même pas mal. Ouais. Et sur cet album, il y a toute la magnificence de sa voix qui peut être à la fois du miel, comme on vient d'entendre Orléans, et qui peut parfois un petit peu être un peu plus supercute avec ce titre en particulier qui ouvre l'album Si ma mémoire est bonne. Déjà Vu, où il se demande s'il doit se couper ses cheveux ou pas se couper ses cheveux. Oui. C'est quand même quelque chose que nous on se demande pas. Est-ce qu'on peut les garder? Ces gens en est l'un. Est-ce qu'on a le droit de les garder? Est-ce qu'on les garder? Mais c'était une belle tête de pioche, hein, le David Crosby. Hein. Bon, tous sacré un peu, caractère. Je crois tous un peu les quatre. Hein. Ouais, mais alors lui, c'était vraiment le casse-pied de service qui agaçait tout le monde. Effectivement, il y avait quand même de sacrés égos entre les quatre là. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Non, intenable. Ouais, intenable. Bon, alors, en tout cas, cet album Déjà Vu, je vous le conseille, vous le connaissez certainement. Déjà Vu. Déjà Vu. Voilà. Vous le connaissez certainement, mais on va se passer ce morceau Almost Cut My Hair, qui est quand même un morceau imparable. Ouais. Et puis juste derrière, il y aura un petit groupe d'Orléans, pas loin de Bouge aussi. Et puis après, on passera à la thématique de ce soir. On y est déjà un petit peu avec, parce qu'il a éclusé pas mal, avec David Crosby, qui sera sobre moi jamais. Et je pense qu'on va s'amuser. Bonsoir, vous êtes dans le zoo. Ah, mais dis donc, et le morceau au début, c'est mieux, non? Almost cut my hair. It happened just the other day. Southern weather, and I find. Never do that. Vous êtes dans The Rock ce soir. Nous avons eu Crosby, Stills, Nash & Young avec Almost Cut My Hair. Mais c'était surtout David Crosby à qui on a rendu hommage en début d'émission. Je dis on parce qu'il y a Sylvain en face de moi, guitariste et compositeur, arrangeur, tête pensante des Sequoia Fever dont on vient d'entendre le slow braguette du dernier album. Le slow braguette qu'est-ce que c'est le slow braguette Eh bien, tu as très bien compris. Ça s'appelle Smartphone TV, c'est ça? Smartphone TV Ad. Ouais. TV Han, voilà. Et avec un morceau absolument grandiose, sur un album absolument grandiose, ça avec une durée inhabituelle pour ce morceau. Ouais, 5-6 minutes peut-être. Ouais. Ouais. C'est pas souvent chez vous les 5-6 minutes aussi. Souvent dans les disques, une chanson un peu plus longue comme ça, un peu plus fleuve, ouais. Il y a des moments, ça me faisait presque penser à Prince, moi, ce morceau. Ah, peut-être. Tu vois ouais, côté un peu... Ouais. Il y a la guitare. Une guitare qui tricote et qui s'envole dans ouais. Le ciel pourpre. Ouais. C'est des accords qui. Enfin, les quatre accords de base viennent de très, très, très, très loin, d'il y a très longtemps. J'avais ça dans les doigts depuis 1998, ah au oui. moins. Qu'est-ce que je vais en faire? Et pendant des années, ça dormait. Voilà, je savais pas comment m'en dépatouiller pour la voix. Alors, le déclic. Ben, le déclic, c'était de mettre la voix dans les creux de la guitare, en fait. Oui. Voilà, tout simplement. que quand la guitare parle, la voix se tait, que quand la voix se tait, la guitare parle. Ouais. Et belle c'était ça le très principe. Alors, belle performance guitaristique, mais bon, voilà. Et très, très belle performance vocale de Sam sur ce morceau. Ouais, il n'y a pas que sur ce morceau qu'il y a des belles performances vocales. Oui, bien vocales, sûr, bien mais, sûr. Mais on a chiadé ouais. ça, ouais. Ouais. ouais. Alors, ça frétille un peu du côté des Sequoia, là. Ouais, bah enfin toutes les choses là qu'on a enregistrées ces dernières années sont sorties il y a peu ou sont en train de sortir ou vont sortir. On a des singles qui sont là sur les trucs de streaming depuis quelques semaines. Il y en a un qui est sorti ce week-end, je crois. En anticipation de l'album qui va sortir début février. Que nous visitons depuis quelques lunes déjà. Ouais, en avant-première. En avant-première. Mais c'est bientôt la fin de l'avant-première. Ah, il va falloir un nouvel album. C'est en préparation, c'est en cours d'enregistrement. Ouais. Ça va prendre le temps. Et puis un clip sur tapis. Un clip, ouais. Un clip pour un des singles, Junkie Lies. Sachant ouais. qu'un deuxième clip va suivre pour le deuxième single bientôt. Qui sera Permanent Struggle. Ok. Voilà. Bon, bah vous allez fouiner sur la toile et vous allez trouver tout ouais. ça. Moi, j'ai vu le clip, il est bien. Ouais, on a pas mal de vidéos live aussi. Enfin, live, live, qu'on avait enregistré à l'Astro. C'est les vidéos de la compile live qu'on a sorti, je sais plus, l'année dernière déjà. Pour les 20 ans. Pour les 20 ans, ouais, 20 ans du nom Sequoia Fever. Alors, général, vous savez, dans The Rocks, vous allez avoir des nouvelles régulières de cet album, tant qu'il est encore en avant-première, on en profite. Ouais. Mais ce soir, c'est pas ça. Ce soir, c'est pas ça. Ce soir, c'est sobre, moi, jamais. C'est la bagarre ce soir. C'est le thème de cette battle. Sobre, moi, jamais. Alors, ça ne me concerne pas, car moi qui vous parle, incroyable, mais vrai, je n'ai jamais pris de cuit de ma vie. Ah, et ouais. ça, quand même, c'est dingue. À 50 ans, ouais. c'est dingue. Ouais, ouais. Mais le choix des armes va être donc de quelqu'un qui en a pris quelques-unes. C'est donc Sylvain comment qui est en face de moi. J'ai des images sur la caméra numéro 2. Mais c'est de la diffamation, monsieur Mounier. Vous commencez très mal cette émission, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, madame Le Pen. Bon, et donc, le premier morceau, c'est pour toi. C'est pour moi. Bon, bah, puisque c'est pour moi, je vais attaquer avec Keith Moon, ah, oui. le batteur des Who. Oui. Bon, pour moi, c'était un peu la synthèse de ce thème sobre, moi jamais, quoi. Il est un peu sur tous les tableaux, lui. Oui, il est bien, lui. C'est quelqu'un qui avait un certain penchant pour la bouteille et autres substances. Hein. Il a un peu goûté à tout. Oui. Et ça le calmait pas forcément. Ça le calmait pas. Le petit Keith Moon déjà était très énervé déjà petit. Hein, on a mis le petit Keith à la batterie en espérant qu'il se défoule et qu'il se calme un peu. Qu'il arrête d'écraser ses copains. Ouais. Alors ça c'est venu après. Bah oui. Mais déjà tout petit avec sa trottinette. Déjà tout petit, il était très turbulent. Et alors manque de bol, il s'est mis à la batterie au début des années 60 et c'est devenu une rockstar quoi. Donc ça. Avec un groupe, quand même, on va préciser quand même. Avec les Who. Avec les Who, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas dit ça. Mais non. Ah, bah oui. Oui. The Who. The Who. Évidemment, oui, bien sûr. Ouais. Donc, il est devenu rockstar au pire moment pour calmer ses ardeurs, quoi. C'est-à-dire que ça a donné libre cours après. C'était pas une bonne idée. À son penchant naturel pour les excès, quoi. Oui. Et des excès, il y en avait des tas. Alors, Bon, il y avait sa tendance à tout détruire, quoi. Y compris ses camarades de scène. Oui. Il avait un goût pour la destruction des chambres d'hôtel avant tout le monde. Mais, et la dynamite. Et la dynamite, ouais, destruction à la dynamite, quoi. Son grand truc, c'était les Cherry Red, c'était des gros pétards en forme de cerise, là. Qui réallumait et qui faisait exploser dans les toilettes, dans les chiottes des chambres d'hôtel, quoi. Le groupe a été interdit de Holiday Inn pendant des années. Enfin, c'était n'importe quoi, du grand n'importe quoi. C'est un mec qui a quand même foutu une Rolls-Royce dans une piscine pour ses 21 ans, quoi. Mais n'importe quoi. Alors, moi, pendant longtemps, j'avais cette image de doudingue un peu, voilà, le gars un peu fatigant, mais sympa. En réalité, c'était un fou furieux, quoi. Oui, un fou dangereux. Un petit psychopathe, quand même. Ouais, hein. Il avait une bonne tête de rigolo, mais c'était un psychopathe. Ouais. Très dur pour ses compagnes. Enfin, voilà, qui pouvait être violent. C'était pas un gars sympathique. C'était pas un gars sympathique, dans le fond, parce que, au-delà de l'insupportable, quoi. C'est un mec qui pouvait passer une semaine déguisé en nazi, quoi. Et en interprétant le rôle à fond, quoi. Ouais. Après une chouille de 3-4 jours. Hein, venait déguisé, bon, lui mettait son costume SS, mais il gardait après pendant 15 jours quand tout le monde était parti au grand péril de ses compagnes, quoi, qui tyrannisaient. Enfin, voilà. Et puis. Et l'alcool n'aide pas dans ces cas. L'alcool n'aide pas, voilà, les produits n'aident pas. Et puis sobre, moi jamais, parce que c'est quand même un gars qui, dans le jeu de batterie, n'était pas très sobre non plus. N'était pas très sobre, a emmené l'instrument à un degré nouveau. Voilà. Alors il y avait quelques prédécesseurs, quelques maîtres qui l'a suivi, mais lui et quelques autres, ça roulait beaucoup. Ça roulait beaucoup. Et puis c'est le moment où la batterie de l'arrière-plan est passée, au premier plan, au même titre que la guitare, au même titre que la voix. Enfin voilà, il prenait de la place, quoi. Ouais. Il y a des interviews de Roger Daltrey, donc le chanteur des Who. Qui est plus gentil. Attention, Roger Daltrey, c'était un cogneur, c'était un bagarre, Roger Daltrey, il ne fallait pas le chauffer. Je pensais que c'était Pete Townshend qui était méchant aussi. Je pense que. Alors, il y a son côté un peu raide, un peu contre le fric. Il ne fallait pas monter sur scène quand il jouait. Il ne fallait pas trop le chauffer non plus, hein, mais je pense qu'il avait le coup de poing moins facile que Roger Daltrey. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Ouais. Et Roger Daltrey, oui, dans une interview. Expliquer que le grand truc de Kiss Moon, c'était de placer des roulements là où personne ne l'aimait jamais. C'est-à-dire que quand il y a la voix, quoi, là, lui, il roulait. D'habitude, les batteurs attendent un petit peu pour faire la jonction avec le truc. Ça peut tenir, quoi. Ouais. Et là, c'était un peu, il y avait ce côté surenchère, quoi. Ouais. Et très précocement, en fait, dans les disques des Who. Alors, il y a les disques très empoulés, voilà, où ça roule de tous les côtés. À partir de Tommy, ça commence à devenir très gras, quoi. Mais dès le début, en fait, là, le morceau que j'ai choisi, Daddy Rolling Stone, qui est un classique, rhythm and blues, c'est dans les premières années du groupe. Hein, et déjà, ça roule à mort. Ça roule à mort. Il prend beaucoup de place. Quoi. Bon, voilà. Il n'a pas vécu longtemps, le Dokis. Il avait quoi, 34, 35 ans. On lui en donnait déjà 50. Bon, L'inverse de nous. Ouais, exactement. Et ben c'est parti, ça s'appelle The Who, sobre lui jamais. Bon, je pense que les autres éclusaient aussi, mais alors lui, je pense que c'est lui qui éclusait le plus des quatre. C'est parti. dire quand même la meilleure période des Who, c'est le début quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Quand même. Et c'est un des groupes qui a l'évolution musicale la plus surprenante, quoi. On prend des albums de, à 5-6 ans d'écart et ça ressemble plus du tout à ce que ça ressemblait, quoi. Après, c'est des années où ça allait très vite, les groupes évoluent beaucoup aussi. Hein. Les Kings. Les Stones, les Beatles. Ouais, mais les Stones, on reconnaît un peu quand même. On reconnaît un peu quand même, heureusement. Ouais. Hein bon. Ce soir, sobre moi jamais, c'est le thème de l'émission. Et j'ai placé d'office, en tant que responsable de cette émission, ce show sous la bonne étoile de Boris Yeltsin. Oui, tout à fait. Parce que quand même, on oublie un peu trop vite. On oublie un peu trop vite Boris Yeltsin, qui a été le patron de l'URSS pendant quelques années, sous Bill Clinton. De la Russie, c'était plus l'URSS, c'est vrai, qui a succédé à Mikhail Gorbatchev. Voilà, donc, et qui n'a été sobre qu'une seule fois. C'était le 12 janvier 1996. Tu t'en souviens, parce qu'il n'y avait rien dans le frigo, mais sinon c'était la seule journée. Sinon le reste, il a été un petit peu attaqué tout le temps. Alors j'aimerais qu'on lui rende hommage ce soir, et donc on va se passer un morceau qui s'appelle New Day. D'accord. Et le groupe s'appelle Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. C'est le nom du groupe. Super. On pouvait pas faire mieux. Ouais, bon danseur Boris Yeltsin, avec quelques images compromettantes. Très bon danseur, très très bon danseur. Une sorte de twist un peu débraillé, très bien. Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Donc on est trois. On est au moins trois. On est au moins trois. Et en plus, donc, c'est un groupe très sérieux, hein, de Springfield, qui n'a rien sorti depuis 2010, mais qui fait des morceaux plutôt pas mal. On va se passer donc leur morceau New Day et une petite pensée à Boris, où que tu sois. There's a new Mais c'est bien fait. C'est joli. C'est plutôt sobre tout ça. Mais c'est très sobre, hein, c'est vrai. Mais Someone Still Loves You, donc Boris Yeltsin avec New Day à l'instant. Le thème ce soir, c'est Sobre Moi Jamais. Je suis avec Sylvain Trémaux qui va dégainer maintenant. Sobre Moi Jamais, oui, oui, avec le père de tous les originaux du rock, le père et la mère aussi, parce qu'il était un peu plus qu'androgyne. Je veux parler de Little Richard. Eh oui. Quand même. Ben oui, pas très sobre. Pas très sobre dans ses attitudes. C'est l'exubérance incarnée, quoi. C'est la folasse en chef, quoi, quand même. Alors moi, j'aurais bien aimé voir certains de ses prêches à l'époque où il était prêtre. Ça devait être quelque chose. Je pense que ça devait être du même acabit que ses prestations scéniques en tant que rock'n'roller. Mais oui. Transpirant, éructant, haranguant la foule, arborant des tenues très audacieuses. Alors pas au tout début, hein, parce que la première période de Little Richard, bon, c'est costard, assez classe, quand même. Avec déjà la touche de maquillage, quoi. Il était dès les débuts maquillé comme une voiture volée, le petit Richard. Hein. Et l'œil qui frise, à regarder des beaux messieurs sans le dire. Voilà, c'est parce que ça se disait pas. C'est un drôle de personnage quand même, hein, parce que il y a une sacrée complexité. Ouais. Il y a une ferveur religieuse, c'est un gars qui vient du sud, quoi, qui a grandi entre l'entre-deux guerres, enfin voilà, milieu assez pauvre, avec la religiosité, l'homosexualité qui se disait pas, enfin voilà. Faut voir ses interviews, les interviews sont à tomber par terre parce que il est mégalomane au possible, voilà, il se vante d'être c'était le plus beau de la fratrie de 12 enfants, sa mère adorait, voilà. Et puis voilà, il se vante en permanence, c'est très drôle de voir les interviews, voilà. Mick Jagger raconte Keith Richards, je sais plus par Mick Jagger que sur la première grosse tournée des Rolling Stones, donc en 64, où les Stones ouvraient pour Little Richard, Mick Jagger était à l'affût de tous les gestes de Little Richard, parce qu'il avait une science de la scène. Donc il guettait ses manières de faire, la manière dont Little Richard captait le public et tenait le public. Voilà, on le voit sur des images où il monte sur le piano, il jette ses chaussures, enfin, voilà, au bout d'un quart d'heure, il est torse nu. Enfin, voilà, c'est la. Un grand maître, quoi, et jamais dans la sobriété. Jamais, jamais. Jamais dans la sobriété. Et le truc, c'est que cette surenchère visuelle pendant ses concerts n'empiétait jamais sur la qualité de ce qu'il faisait. Parce que ça pourrait être juste un showman. Non, c'était pas n'importe quoi. C'est un grand chanteur. Vocalement, il y a une maîtrise incroyable. Et puis, quels morceaux, enfin. Les morceaux, et puis les groupes derrière, les musiciens derrière ont toujours été très bons. Il y a eu Hendrix, je crois. Ouais, ouais, ouais. Qui Hendrix a joué derrière. A fait ses classes derrière Jimi Hendrix, derrière Little Richard, pardon. Ouais. Moi, je me souviens d'un documentaire sur Hendrix où il y a quelques séquences de Little Richard. Donc, début années 70, après un moult comeback, où il explique que Jimi Hendrix lui doit tout, que c'est lui qui a découvert Jimi Hendrix. Oui. C'est lui la matrice de Jimi Hendrix. Ah, c'est la maîtrice de tout. Ouais, ben de beaucoup de choses. Mais en vérité, de beaucoup de choses. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Le « Ouh » de Paul McCartney, il vient de là. Voilà, donc Little Richard. J'ai fait un tout petit montage avec une pub radio à l'époque de son retour dans les années 60. J'aime bien quand tu bosses un peu. Ouais, et suivi d'une reprise de Brown Sugar, composée par des gens qui n'étaient pas toujours sobres non plus. Qui n'étaient pas sobres non plus, oui, c'est vrai. Voilà. Des rescapés. Little Richard, Brown Sugar, c'est parti. Richard. C'est vrai que c'est pas le mot sobriété qui vient en premier à l'esprit, mais c'est vrai que c'est pas mal. Les choristes, j'ai une petite réserve sur les choristes. Ça lui va pas si bien que ça, je trouve, les choristes à Little Richard. Bah, c'est-à-dire que lui, quand les choristes chantent, il peut pas s'empêcher d'en remettre une couche aussi. Tiré d'un album sobrement intitulé The King of Rock and Roll. Mais c'est pas usurpé non plus. Comme titre. Non, c'est franchement pas usurpé. J'ai toujours eu une toute petite réserve sur Chuck Berry. Enfin, je trouve formidable Chuck Berry, mais il a quand même pompé beaucoup à droite, à gauche, y compris son riff légendaire. Ouais. À choisir, je prends Little Richard, personnellement. Moi aussi, ouais, voilà. Moi aussi carrément. Ouais. Ce soir, dans le thème d'Under Rocks avec Sylvain, des Secret Fever ici même, c'est Sobre Moi Jamais. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé, toi aussi, je l'ai vu dans tes choix, à Sean McGovern, chanteur des Pogues, qui ont enchanté mon adolescence et studentine avec des albums absolument fabuleux. Ce groupe qui... alors là, c'est vraiment des prolos vraiment pur jus qui jouaient de façon magnifique la musique traditionnelle irlandaise en y rajoutant un esprit punk et rock'n'roll, avec des albums en plus où les morceaux étaient vraiment vraiment fantastiques sur les premiers albums des Pogues. Je me souviens surtout du deuxième album qui pour moi est un chef-d'œuvre. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Sodomy and the Lash. Run Sodomy and the Lash. Avec le radeau de la Méduse. Produit par Costello, me semble-t-il. Ah, je savais pas. Je crois. Qui sortait avec la fille. Il y avait une fille chez les Pogues au départ qui a vite dégagé parce que je pense que ça devait être un peu compliqué. Et voilà, le radeau de la Méduse, etc. Chanteur assez extraordinaire, Sean McGovern, avec une voix complètement déglingue, mais moins que sa dentition, et qui a fait une carrière. Il a tenu ce qu'il a pu quand même, parce qu'il était imbibé du matin au soir. Tout le temps, avec une hygiène de vie, on le voit sur sa tête que c'était pas forcément Biactol tous les jours. Et donc, ils ont commencé à rencontrer un énorme succès à la surprise générale. Ils ont fait la première, moi je les ai vus en première partie de U2 à l'hippodrome de Vincennes, donc c'était devant 75 000 personnes. Avec Sean McGovern, c'était très très bien. Et donc il passait juste après UB40 qui avait l'air de gentil petit garçon à côté. Ouais. Et donc voilà, un groupe assez extraordinaire. Alors forcément, ça a pas duré si longtemps que ça avec Sean McGovern, quand même un peu, mais il était tellement défoncé que au sommet de la gloire des Pogues en 1988, il y a eu une tournée qui s'est organisée et ils pouvaient vraiment pas assurer, ils l'ont tous lourdé quoi, parce que c'était pas possible quoi, là ils chantaient même plus dans le micro. Donc ils ont appelé quelqu'un, ils se sont dit on va appeler quelqu'un qui pourrait avoir une voix un peu défoncée comme ça, qui est un peu au chaume-nu en ce moment et qui est sobre. Peut-être pas la bonne idée. Et ils ont pris Joe Strummer, des Clash un peu au creux de la vague, Joe Strummer à ce moment-là. Et donc il y a des documents où on le voit sur scène. Il y a une tournée, c'était un peu le parrain des Pogues quand même, non? Joe Strummer. Je suis pas sûr au départ. Il y avait ce côté grand frère, non? Oui, c'est ça. Bah, quand il arrive sur scène, c'est ça, c'est le grand frère. Mais il est très humble, c'est-à-dire que c'est l'inverse de Little Richard. Il se met vraiment, là je fais le chanteur, mais il s'efface, il y avait des morceaux des Pogues mélangés à des morceaux des Clash. Il y a un London Calling fameux qui est joué avec l'accordéon et toute la musette de derrière des Pogues. Alors là, on va se passer le morceau qui s'appelle Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah. Ah, moi, attends, moi j'avais des trucs à dire quand même sur Shane McGowan. Ah, oui, vas-y, quand vas-y. Même, parce que je l'avais sur ma liste. Vas-y, oui, vas-y. J'ai un souvenir alors, personnel quand même. Alors moi j'avais hésité avec les Pops aussi, qui était un groupe qu'il a fait après. Plus rock, hein. Ouais. Plus punk. Et alors j'ai un souvenir personnel. Tu l'as pas embrassé sur la bouche. Non. Je ne serais plus là. À l'époque, les Pops, Shane McGowan and the Pops étaient passés à Nulle Part Ailleurs, l'émission Nulle Part Ailleurs, ouais. Où il y avait des lives tout le temps. Ouais. Donc j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais chez mes parents, et j'ai un souvenir de ma mère consternée en voyant Shane McGowan, qui était, faut le dire, c'était ta mère qui était dentiste, je sais pas, mais là, qui était vraiment un mélange d'accablement, de tristesse, de vraiment shocking quoi. Et le vraiment, c'était le pauvre garçon qui est exhibé à la télé, qui avait besoin de soins quoi. Enfin, il tenait pas debout. Enfin, c'était une catastrophe quoi. Et ma mère était outrée quoi. Sans dents et tout ça. Ouais. Quand même, le premier fait d'armes de Shane McGowan, le premier article de presse consacré à Shane McGowan, bien avant les Pogs, c'est quand il s'est fait bouffer l'oreille à un concert des. C'est toi qui m'avais appris Clash, ça dans l'émission. Clash, non, des Dead Kennedys. Des Dead Kennedys. Je crois, non. Ah, moi, j'ai lu les Clash. Les Clash, d'accord. Où il s'est fait bouffer l'oreille par une fille qui voulait embrasser. N'importe quoi. Ouais. Oui, bon, donc on va pas entendre Shane McGowan sur ce morceau puisqu'il était en repos forcé. En repos, bon. Et ce sera donc Joe Strummer qui chante. Alors il y a Shane McGowan, là il y a eu un hommage qui a été rendu il y a quelques années, il y a 2-3 ans à la télé irlandaise avec tout le monde, il y avait Glenn Hansard, il y avait tout le monde qui lui rendait hommage. Il est encore vivant, hein. Alors il était encore vivant, mais là il était pas frais, hein. Il était dans un fauteuil roulant. Et on a l'impression qu'il comprend pas tout ce qui se passe autour de lui. Ouais, moi j'ai vu des trucs. C'est un peu compliqué. Il y a un petit décalage entre la question et la réponse quoi. Mais il peut durer 3 semaines, un décalage. On peut aller jusqu'à 3 semaines. Un petit esprit vif encore. Oui, petit, ouais. Quand même un petit là, ouais. Sur ce coup-là. Donc ça s'appelle Sobre-moi jamais. Voici Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah. C'est le nom du morceau avec Joe Strummer à la voix, qui a une voix qui pourrait être celle de. Un peu éraillée aussi. Un peu éraillée, c'est vrai. Yeah. morceau quand même. Hein. Ouais, c'est chouette, c'est très bien. Voilà, donc c'était sans Sean McGovern, mais avec Joe Strummer. Ce soir, Sobre-moi jamais, et c'est Sylvain Trémaux qui a la main. Sobre-moi jamais, alors là on va changer un peu de rive avec un musicien qui a jamais réussi à être sobre, parce qu'il était quand même réputé pour ses arrangements complexes et puis son éclectisme musical. Je veux parler de Frank Zappa. Ah oui, voilà, là oui. Frank Zappa. Ah là, je ne demande qu'à être converti. Ouais, avec une œuvre pléthorique qui part dans tous les sens, des choses qui peuvent être un peu casse-pieds. Enfin, après, c'est une histoire de goût. Hein. Oui, non, mais je vous confirme. Un peu difficile à suivre parce que, assez. Alors, c'est du rock à la base, hein, mais il a jamais fait dans le guitare, basse, batterie, tout simple, oui. 1, 2, 3, 4, let's go. Ça n'a jamais été ça, Frank Zappa. Il y a toujours. C'est un gars pas simple. Il aime pas la simplicité, quoi. Non. Hein. Sobre-moi jamais. Non, sobre-moi jamais. Jamais. Toujours, pendant qu'un batteur joue sur du 4 temps, l'autre fait du 7 temps. Enfin, voilà. Il était très exigeant avec les musiciens. Il avait un système de signes pour leur donner des indications. Et les arrangements complexes des disques étaient joués également sur scène, mais différemment. Et puis d'un soir sur l'autre, c'était pas le même truc. Et le répertoire n'était pas le même. Enfin, un peu à l'image de Prince aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Qui avait cette capacité à... Ça déstructurait, mais ça aimait... Il fallait à la fois que ce soit solide, carré, et à la fois que les mecs soient capables de partir en impro. Voilà. Et puis, il y avait, dans la construction des morceaux, systématiquement, des moments où, d'un coup, ça part dans complètement autre chose, avec des bruitages, avec des coups de métallophone, des trucs pas possibles. Enfin, voilà. Pas de routine. Jamais de routine. Non. Jamais. Non. Là, j'ai choisi un morceau que j'aime bien. Moi, ça fait partie de mes disques un peu de chevet. Un live au Roxy, le club, un des clubs mythiques de Los Angeles. Chipness, c'est le nom de la chanson. C'est un hommage. Alors, j'ai coupé l'intro, hein, qui est très longue. C'est un live. Hein, oui, parce que ça peut être long, Frank Zappa. Oui, alors la chanson est courte, hein, mais c'est l'intro, comme c'est un live, l'intro est longue où il explique en fait d'où vient le morceau. C'est un hommage au film de monstres des années 50-60, des films de sa jeunesse avec des scénarios un peu tirés par les cheveux et puis des effets spéciaux en papier mâché, quoi. Donc voilà, ça démarre directement sur la chanson avec, tu pourras juger par toi-même. Là, pour le coup, c'est un morceau... plutôt abordable dans sa base, mais cette foison d'effets spéciaux pour le coup musicaux, le tout joué en live, quoi. Alors avec peut-être quelques petits compléments de studio, je sais pas, mais ça, comme on dit dans le milieu, ça joue. Oui, ça joue. Ouais. Ça joue parfois aussi avec nos nerfs. Ouais, mais là non. En l'occurrence, non, moi je trouve le morceau assez enthousiasmant. Alors pas sobre, alors là on parle pas d'éthylisme, hein, là on est plutôt dans le. Hein, non, au contraire, ouais. Frank Zappa était pas du genre à picoler, non, c'était le fric contre le fric. Fric contre le fric, ouais. Ah, ouais. C'est parti, c'est Frank Zappa, c'est pas souvent dans On The Rocks, donc allez-y, c'est maintenant, ça s'appelle Chipness, et moi je vais découvrir, je connais pas ce morceau. Gentlemen, The monster which the peasants in this area call Frunobulax, apparently a very large poodle dog, has just been seen approaching the power plant. Bullets can't stop it. Rockets can't stop it. We may have to use nuclear force. Formed up at the base of the mountain is attempting to lure the enormous poodle towards a cave where they hope to destroy it with napalm. 1,000 of the troopers are now lined up and are calling to the monster. Here, Fido! Here, Fido! Here, Fido! Monsieur Trémo, Monsieur Trémo. Ah bah sobre moi jamais. Quelle indignité. Comment ça? C'est rigolo. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Ah non, j'aime bien, c'est enthousiasmant. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Donc c'était Frank Zappa avec voilà. C'est avec Mothers of Invention. Et c'est vrai que c'était pas très sobre. Ah non, c'est un bon choix. Donc c'est un bon choix. On va continuer donc avec cette émission spéciale sobre moi jamais, avec évidemment, on l'avait prévu tous les deux. Comment ne pas parler de d'imbibé talentueux quand voilà, quand le thème est celui-là, sans parler de Joe Cocker, ouais, qui était plombier. Oui. Et qui a continué à faire dans le liquide, puisque voilà, alors déjà on voit bien sur la scène de Woodstock qu'il est habité, qu'il a une voix, ouais, extraordinaire. Ouais. On n'avait jamais vu ça quand même, le gars qui arrive sur Woodstock qui se tord dans tous les sens comme s'il avait un scorpion dans la culotte. Ouais. Et donc ça a duré et ça a été quand même assez douloureux pour lui, hein, cette addiction à l'alcool. Ouais. Mais c'est aussi malheureusement ce qui faisait un peu sa singularité, c'est-à-dire que sur scène c'était assez incroyable. On va se passer un extrait de son album Mad Dogs and Englishmen qui date de 1970, donc un peu après Woodstock, l'année d'après. C'est la tournée qui a suivi Woodstock, en fait, où il s'est fait booker dans toutes les grandes villes états-uniennes. Voilà. Il était partout, avec essentiellement des reprises, parce que c'était pas un compositeur, c'était un interprète assez incroyable. Alors évidemment, après, à la fin de sa carrière, il était plus sobre, ça allait un peu mieux, et c'était très très ennuyeux. Mmh. Et au début de la carrière, c'était absolument fantastique. Il a transfiguré des morceaux sur cet album. Je crois là de live, ce double live, je crois qu'il y a 4 ou 5 reprises des Beatles. Ouais, sur, The Letter aussi, moi c'est le morceau que j'avais choisi, mais c'est vrai The Letter, c'est The Box Top, ouais. Et voilà, moi, j'ai, bah, évidemment, j'ai pris un Beatles, tu me connais. Bah, j'ai pris She Came In Through the Bathroom Window, qui faisait partie de cette espèce de morceau rallongé avec plein de petits bouts de morceaux de Lennon-McCartney à la fin d'Abbey Road, qui avait été assemblé. Donc ça, c'est plutôt un morceau de McCartney, si ma mémoire est bonne. Bah, voici ce qu'il en fait sur scène. Il avait été imité par John Belushi, oui. Où ils sont côte à côte à un moment même, je crois que c'était au sein de la Saturday Night Live. Oui, il s'arrose de bière, il arrive d'essayer de boire. Il avait du mal à boire sa bière, donc il n'arrivait pas à viser le trou, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Alors bon, John Belushi, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, ouais, là, sur ce coup-là, mais voilà, je vous conseille de voir ces images qui sont assez drôles. Et Joe Cocker avait de l'humour, ouais, quand même, pour participer à ça. Ah bah, à 4,5 grammes, tu commences à avoir un peu d'humour, quoi. C'est ça. Sauf avoir le vin mauvais, bon. C'est vrai. Donc, she came in through the bathroom window. Mais tu as bu, mais. Non, c'est ce soir. C'est la première. Joe Cocker, donc, et on peut dire quand même que sobre, lui jamais, mais ouais, une voix extraordinaire. Phénoménal, hein, ouais. Extraordinaire. Ouais. C'est parti, et ça date de 1970. She came into the bathroom window. She came into the bathroom window. Derrière, ça joue, ça. Oui, c'est ce que je me disais, c'était très très bien arrangé aussi. Et puis la tournée Mad Dog and Englishman était loin de la sobriété aussi. Il y avait des dizaines de musiciens sur scène, une chorale. 8 batteries. Ouais, à peu près. Ouais. Tous payés au même tarif, sauf Leon Russell, le maître orchestre en chef, quoi. Ouais. Ouais, bel album, je vous conseille ce double album. Vraiment très très bien. Sobre moi jamais, c'était Joe Cocker évidemment, et c'est Sylvain Trémaux qui a la main. Eh ben, il y a pas que toi qui coupe l'herbe sous le pied, monsieur Manu. Je vais prendre ce qu'on avait évidemment retenu tous les deux, à savoir Queen. Et oui. Bah oui, quand même. Sobre moi jamais. Oui. J'avais pris Bicycle Race avec ce solo de sonnette de vélo. Ouais. On aurait pu en choisir des tas parce que c'est quand même un groupe qui a eu le chic pour pompiériser ses productions. Enfin, c'est jamais dans la demi-mesure, Queen. C'est toujours emphatique, opératique, tout ce qu'on veut, tout est poussé à bout, tout est dans le rouge, la voix est forcée toujours, il y a des couches de voix, enfin voilà, sur, alors peut-être pas sur tous les albums, mais sur... Non, il y a quelques éclats de sobriété quand même. Ouais. Sur News of the World, par exemple, My Melancholy Blues. Ah ouais, je connais moins ça. Où vraiment, c'est, il chante avec cette voix hyper douce, mais il savait aussi mettre des couches. Ouais, c'est ça, quand même c'est la marque de fabrique de Queen, c'est quand même d'y aller à fond, quoi. C'est ça. Et puis c'est ce qui fait ce côté réjouissant et irrésistible, quoi. C'est l'énergie qu'il y a systématiquement, et puis sur scène aussi, évidemment. Avec... En même temps, c'est très chantilly dans tous les sens, et en même temps, c'est absolument sincère. Oui, c'est ça, ouais. Il y a ce côté premier degré, avec ça dégouline de tous les coins, mais c'est avec une ferveur enfantine, un premier degré, comme ça, on se fait plaisir, quoi, puis on y va. Et puis c'est très puis en même temps très travaillé, quoi, techniquement, très travaillé, très construit, très léché dans la production. Ouais, et puis dans les, enfin, c'est les... Brian May a fabriqué lui-même sa guitare, oui, il aussi, était astrophysicien, avec son père qui était doué pour l'électronique aussi, Et puis la scène, quoi, là, ce que Freddie Mercury pouvait dégager sur scène quand même, quoi. Oui, c'est pas Liam Gallagher. Non, on en reparlera. Oui. Mais et puis le j'allais dire toujours à deux doigts du mauvais goût, mais souvent les deux doigts dedans quand même, Oui, mais en le sachant. En le sachant, et puis ça passe, quoi, ça passe le. Oui, je passe l'aspirateur avec une mini jupe et la moustache, et tout va bien. Ou alors je mets un futal serré en jean avec un Marcel blanc et un motodermine. ça passe tout parce passe. Que c'est à Wembley, ça passe. Ah, ça passe. Tout passe. Tout passe. Et souvent des morceaux extraordinaires parce que ce côté un peu too much éclipsé un petit peu. Mais il y a des morceaux, enfin voilà, News of the World pour moi est un album parfait et il y a des morceaux qui sont extraordinaires. Mmh. Bohemian Rhapsody, tout le monde connaît ça et on a tellement écouté que voilà. Mais quand même, quel morceau incroyable. C'est-à-dire qu'il y a toujours la mélodie, il y a. Voilà, la voix. Ouais. Quelle voix. Ouais. Ouais. Ouais, c'est jamais dans la facilité. Enfin, ils n'ont jamais cédé à. La facilité dans l'écriture, dans la construction des morceaux. Alors les albums de Fredo sont un peu plus compliqués à défendre quand même. Ça devient mauvais. C'est très mauvais. Bon. Puis il s'est pris pour un chanteur d'opéra à un moment donné. Je pense que les vrais chanteurs d'opéra ont bien dû se marrer. mais voilà. Moi j'avais Death on Two Legs. C'est bien ça. Qui plante le décor de Night at the Opera. Mais oui, très très bien. On choisit des tas d'autres, quoi. Mais oui. Et ben je suis content de ce choix puisque c'était le mien aussi. Voici Queen avec Death on Two Legs. Sobre eux, jamais. Goodbye. Feel good? Are you satisfied? Do you feel like I think? Un peu plus, je vous le mets quand même. Ah oui, et ça on peut le faire. Ah oui, bon, on le fait alors. Ils n'hésitent pas une seconde, ils ont raison. Bon, c'était Queen, évidemment. Alors ce soir dans On The Rocks, pour encore une bonne vingtaine de minutes, c'est sobre, moi jamais, le thème. Et vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que cette émission On The Rocks a 30 ans cette année. Une belle émission spéciale, ma foi. Je l'ai écouté avec en podcast. Quelques petits morceaux sympathiques quand même. Hein. C'était chouette, c'était vraiment bien. Avec une belle reprise de Sgt Pepper, qui est très très très bien. Par un groupe The Suckles, groupe sympathique. Ouais, je connais pas. Et puis voilà, donc si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas, c'est sur le site ontherocks.net. Il y a aussi les morceaux isolés si vous voulez les écouter un par un. Ça a été une belle émotion pour moi cette émission. J'en remercie Sylvain Trémaux ici présent. Je t'avais pas revu en vrai depuis. Non, c'était avant l'émission. Eh bien, je t'embrasse chaleureusement. Voilà, parce que c'est vraiment, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et donc, bah, forcément, il y a eu des souvenirs un peu éthyliques dans ces 30 ans, des rencontres. Alors, c'est le petit épisode rétroviseur. Vous savez que de temps en temps, hop, on regarde en arrière, là, pendant un petit moment, jusqu'au mois de juin. Et puis, je vous raconte des petites anecdotes. Et bien, en vrai, c'est une. J'ai eu 30 ans. Radio show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les. C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock all motherfuckers on the rocks. Alors pour le rétroviseur ce soir, je vous emmène en 2016 où j'ai eu la chance de rencontrer un garçon assez étonnant. Je ne sais pas si tu étais à ce concert. Ce monsieur se fait appeler Armar Superstar. Il a donné un concert à l'Astrolabe. Alors si vous voyez des photos d'Armar Superstar, comment vous dire, Philippe Catherine en ce moment à côté, c'est Brad Pitt. J'exagère un peu. Mais voilà, une vraie bête de scène avec un vrai premier degré aussi dans les morceaux assez kitsch, mais avec une voix qui peut être assez fabuleuse parfois. Et puis sur scène, vraiment très très bien. Le gars qui fait le poirier, la tête en bas, les jambes en l'air, tout ça avec un bide énorme hein, quand même. Et une calvitie naissante. Et pourtant, une bête de scène qui se veut sexe symbole. Alors il y a beaucoup d'humour dans tout ça. Et donc, je lui ai demandé si ça pouvait pas un petit peu tout ce tralala autour et ses vêtements qui peuvent ressembler à ceux de Freddie Mercury parfois, cacher un petit peu les morceaux et la voix. Alors voilà ce qu'il m'a répondu. Alors à noter quand même que le concert qui a suivi ça était très très éthylique et complètement foiré. Ça s'est fini, tu sais, ce genre de concert que t'as peut-être dû connaître ça, où tu sens que ça, ouais, ça peut mal tourner, tu sens que c'est tangent, tu te tiens un peu loin quand même, tu te colles un peu au mur. Et tu sens que le gars, il peut à la fois t'embrasser, mais il peut se passer autre chose. Mmh. Une sorte de danger sur ce concert. Et vraiment un concert foiré, parce que le gars, je pense, avait bien éclusé entre l'interview que vous allez entendre et le concert quelques heures plus tard. C'était pas bon sur scène, mais c'est souvent bon quand même à Armar Superstar. Donc on va se remémorer ça. Ouais. On a croisé quelques groupes comme ça, Manu pour. Tu sens que ça. Bah, ou c'est, moi j'appelle ça les groupes de balance, c'est-à-dire à la balance à 17h, les mecs, tu te dis waouh, c'est ça. Enfin voilà, c'est top quoi. Et puis ils picolent, et quand ils montent sur scène à 22h, c'est tout pourri quoi. Les mecs, merde. C'est le syndrome myosèque. Voilà. Pardon. Voilà. Non, mais tout à fait. C'est... Donc, Armar Superstar, ça s'appelle Restless Leg avec un petit bout d'interview avant. C'est le rétroviseur de ce soir et ça date de 2016. And your character, tu as une sorte de personnage sur scène et ne crains-tu pas parfois qu'il éclipse l'autre facette de toi, à savoir ta voix et ta super musique. Another side of yourself, your very good music and your voice. Do you think about this? I don't think about my character. I think about putting on a show. I think about being an entertainer. Je ne pense pas à ce personnage. Je pense à faire le show, à être un amuseur. Je pense que plein de groupes sont ennuyeux, que vraiment, vraiment chiant. Ils ne devraient pas partir en tournée. Je pense être un des derniers représentants de la race des amuseurs. Faire le show est la seule chose qui importe. Pourquoi payer pour un spectacle si tu ne t'amuses pas? Les rockers qui se contentent de leur putain de guitare sont inutiles et je les emmerde pour ça. I just cannot be. C'était Armar Superstar dans On The Rock. Je t'ai envoyé une petite photo sur mais ton téléphone. Mais j'étais en train de chercher, tu vois, des choses sur ce chanteur. Et ben, va sur toi. T'as une petite photo dans les SMS là, tu vas voir. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'en ai plein sous les yeux là. J'en ai plein. Voilà. Un peu anti-sex symbole. Oui. Ça pourrait être un bon thème, Monsieur Bourdier. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Dans le même genre que j'ai pas le physique de ma voix, quoi. C'est vrai. Ouais, super chanson en tout cas, super voix, super morceau, vachement bien. Il fait des trucs super, ah, vraiment. Je connaissais pas du et tout, sur scène, il paraît que, enfin, moi j'avais vu des images sur scène où c'était assez extraordinaire, et pas de bol. Et un des seuls concerts qu'il a vraiment savonné, c'était à l'Astro. D'accord. Alors ça va être ton dernier choix, je crois. C'est à moi. On a le choix entre l'autre king du rock'n'roll, à savoir Elvis Presley. Oasis quand même, je les avais mis sur ma petite liste. Oui. Allez, Oasis. Allez, Oasis. Avec un morceau que j'aime bien, Some Might Say. Je suis pas un grand fan d'Oasis, mais celui-là. Il y a quand même des bons morceaux. Il y a quand même des bons morceaux. Après, enfin moi c'est mon avis sur Oasis quoi. C'est scolaire Oasis, mais ça fonctionne bien. Ouais. On l'avait déjà dit, mais c'est des bons faiseurs, des très bons. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis c'est déjà très bien. Et puis c'est quand même des superstars. Mais c'est ce que j'aime bien aussi dans ce groupe-là. Totalement détestable, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ça n'a jamais été un souci pour faire du rock, ça. Oui. Bah ouais. Moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est cette prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire que d'un groupe de merdeux, de branleurs, avec certes un gars qui s'est écrit des chansons dans le groupe, ce qui est plutôt pas mal, un bon départ, mais pas si courant. Qui est pas si courant. En tout cas, le groupe qui dit nous maintenant on va être des stars, quoi. Puis c'est comme ça, quoi. Et puis vous dites ce que vous voulez, ça y est, on est des stars. C'est nous qu'on est les meilleurs. C'est nous, voilà, on est les meilleurs. Les mecs ils picolent, ils prennent de la coke, des kilomètres de rail, ils font n'importe quoi, et bah ça se réalise, quoi. Et je me souviens d'un documentaire qui est assez récent là, qui retrace un petit peu la fièvre Oasis des années 90, où un des premiers, si ce n'est le premier concert à l'étranger, ou du moins qui était prévu, c'était en Hollande. Ils devaient prendre le ferry pour aller faire. C'était un peu le concert tremplin, quoi. C'était un truc immanquable. Enfin, dans le développement du groupe, fallait pas louper ça. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Sur le ferry, ils picolent comme des trous et ils se fritent avec des supporters de foot qui allaient voir un match et ils se font débarquer. Enfin, c'est pas qu'ils se font débarquer, c'est que ils sont pas autorisés à débarquer en Hollande et ils repartent avec le ferry retour parce qu'ils ont pas le droit de enfin, n'importe quoi. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième album. Donc c'était le grand frère Noël Gallagher qui supervisait les sessions. Enfin voilà. Et donc, Liam, le petit frère, avec quelques heures à tuer, donc il allait au pub, donc il picolait, puis il se faisait des potes, donc il ramenait les pauvres types du coin, et en chahutant, ils ont pété des guitares, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est fou, c'est ce qui a valu une colère, évidemment, et puis une bagarre avec Noël Gallagher. Donc sobre, moi jamais, c'est un groupe qui a jamais été sobre, y compris dans le côté éléphantesque aussi des productions, c'est-à-dire qu'il y a toujours des couches de guitare. Vas-y. Les morceaux sont assez simples, mais allez, vas-y, les couches de guitare, quoi. Donc, ouais, il y a quand même y a un côté que j'aime bien, moi, dans ce groupe-là, finalement. Ils m'ont eu la usure un peu, Oasis. Alors, si vous aimez un peu cet esprit-là, dans le genre virer avec les potes qui tournent mal et bras cassés, je vous conseille une série. Alors, ça pourrait être la bande originale, ça pourrait être Oasis à tous les morceaux, à tous les épisodes. Ça s'appelle Brassic. C'est absolument extraordinaire, d'une drôlerie. Ça fait longtemps que j'avais été pas marré comme ça devant ma télé. C'est que des bras cassés anglais, tout au pub. Et ça se termine jamais bien. C'est très scato, c'est très trash. Et c'est très, très drôle. Ça s'appelle Brassic. Il y a 4 saisons. Allez-y. Voilà, c'est vraiment l'ambiance. Les frères Gallagher qui se bagarrent. Et, voilà. C'est parti. Ça s'appelle Some Might Say. Grand morceau, mais voilà, grand morceau. Ouais, que j'ai un tout petit peu écourté à la fin. Oui, c'est long quand même. Un petit fade-out, quoi. C'est bon. Un petit peu long. C'est, ouais. C'est parti. We'll be right back. Après, bon, un grand morceau quand même. Bon, voilà. Bon, je sais pas si vous avez vu le film Yesterday où les Beatles n'existent pas. Ils cherchent sur Internet Oasis et ça n'existe pas non plus. Et il dit forcément. C'est très bien. Bon, alors ça va être le dernier morceau maintenant sur ce Sobre Moi Jamais. Et comme je sais recevoir, je vais te proposer quatre choix. Oh là. C'est toi qui vas choisir mon dernier choix. Alors j'avais prévu une chanson de Joe Jackson à l'époque où il reprenait des vieux standards de jazz. Ouais. Ça s'appelle What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again. On a déjà entendu des choses de Joe Jackson de cette époque. Voilà, exactement. Hein. Morceau, on entend le. Alors lui, il buvait plutôt du thé avec une rondelle de citron, mais là, il joue les alcooliques. Amy Winehouse, évidemment, avec une reprise de Monkey Man. Les Doors, qui à mon avis n'ont jamais, enfin, Jim Morrison n'a jamais enregistré une note de musique en studio sans être bourré, à mon avis. Alabama Song, qui est une reprise de Kurt Weill, Whiskey Bar, et puis Ringo Starr, qui quand même après les Beatles a quand même eu une bonne décennie de biture avec ce I'm Greatest, morceau composé entièrement par John Lennon. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, pour faire la jonction avec le début de l'émission, qui était, enfin, où on a parlé de Kiss Moon, je vais choisir Ringo Starr, qui était un copain de Beuvry de oui. Kiss Moon à une certaine époque à Los Angeles, dans les hauteurs de Los Angeles. C'est vrai. Ouais. Donc c'est tiré de son album post-Beatles, où il y a tous les Beatles dessus, mais jamais en même temps, et c'est le morceau qui ouvre l'album, où il joue un peu de son personnage de Billy Shear, tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. Sur 30 Years Ago Today, et voilà, où c'est I'm the Greatest, et c'est un morceau donc composé avec au cœur John Lennon, donc c'est un petit bout des Beatles après les Beatles, c'est quoi. Pas mal, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup Sylvain d'être venu. Je te remercie, je t'en prie, et prochain thème quand tu veux. Eh ben, on va trouver un thème, et puis on trouvera une date. Exactement. C'est parti, ça s'appelle Ringo Starr, I'm the Greatest, et guettez, les Sockeye Fever, ça frétille. Ouais. C'est parti. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. As a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Acho que o Benfica é um dos favoritos e com a primeira volta que fez, na minha opinião, é o favorito, apesar do resultado menos bom em Braga, ou pior, apesar dos dois resultados menos bons no Minho, com os dois, aqueles a que eu costumo chamar os dois grandes do Minho, sendo certo que vimos também o Vitória, que, enfim, só com alguma infelicidade, não conseguiu resultado semelhante ao do Benfica este fim de semana, com o Porto. Com o futebol do Porto. Para não falarmos de outras envolventes. Infelicidade. Essa questão, o Minho, o que é que o treinador do Vitória...